En direct, 17h33. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est Marie. L'invité du jour, Marie Svacle, elle représente le Lions Club Orléans-Sologne. Je vais lui dire bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que ça va en mode Covid? C'est pas facile pour tout le monde. Oh, exactement, oui. Ouais, une période assez compliquée, mais bon, on commence à malheureusement, on n'a plus trop le choix en ce moment. Hein, oui. Et puis, il y a eu des dépassements, des débordements, donc on a un petit peu puni dans certaines régions. On va parler de vous, Marise, et puis du Lions Club Orléans-Sologne sur Radio Arc-en-Ciel. On est heureux de vous retrouver en direct à la radio sur le 96.2 FM. On va parler d'abord du Lions Club. Alors, Marise, si tu peux expliquer, on va se tutoyer, Marise. Hein. Oui. On peut expliquer ce que c'est que le Lions Club? Ben, le Lions Club, donc, c'est un club service. Mmh. Et d'ailleurs, nous avons une devise qui est « we serve », c'est-à-dire « nous servons ». Vous servez, ouais. Voilà. Alors, vous servez quoi? Et voilà. Et on va vers les gens qui ont besoin de nous. Ouais. Et on fait des... On leur file un coup de main. Voilà. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait 48 000 dans le monde, sur la planète. 1 400 000. Ah, ça a changé alors les chiffres. 1 600 000, pardon. Ah, 1 600 000. Voilà. Bah oui, les chiffres sont pas bons que j'ai vu alors. Oui. Hein. Ouais. Des fois, Internet, ils donnent que des conneries. Hein. Non. Ce sont des clubs. Comment? Ce sont des clubs. Ah, ce sont des clubs. Ah ouais. Dans lesquels ce sont les gens. Ah, ok, d'accord. Donc, 1 million sur la planète, c'est quand même beaucoup. Oh. Ouais. 1 million qui aide les gens. Il faut aider les gens aujourd'hui. Puis là, de plus en plus. Absolument. Avec le Et Covid. C'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. C'est pour justement aider un jeune et sa famille. Mmh. Ce jeune a maintenant presque 20 ans. Ouais. Ça fait la 9e année que nous faisons ce que nous allons faire samedi. Pour Marc. C'est, voilà, pour voilà. Marc. Alors, ça va se passer donc ce samedi à Orléans. On va expliquer où. C'est à l'esplanade. Sur l'esplanade du théâtre d'Orléans. Une belle esplanade. Voilà. Oui. Et ça démarre à quelle heure? Explique-nous un peu, Marie. 9h. D'accord. À 9h jusqu'à 17h. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, ce samedi? Ce jour-là, nous allons vendre des chrysanthèmes et puis des pensées de façon à ce qu'on puisse donner à l'association qui s'occupe aussi de Marc, qui s'appelle le Petit Marc, l'association Le Petit Marc. On leur donne tout notre bénéfice. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui va arriver en argent qui rentre, c'est pour l'association Marc. Voilà. Donc c'est la 9e année. Tu disais que vous occupez de cette association. Voilà, parce que cet enfant, donc, ce jeune homme maintenant, est atteint du syndrome de Netherton. Ouais, je connais pas. Donc c'est une maladie de la peau. Et donc au niveau du visage, la partie la plus frappante, donc ça fait une brûlure du visage. Du visage, Et au niveau du corps, ça fait comme des écailles. Ah oui, je vois. Oh non, ouais, voilà. Je vois. Et donc, ça vient de quoi cette maladie? C'est dû donc à un virus. Hein. Donc encore un. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une maladie orpheline et beaucoup de soins ne sont pas remboursés. Ouais, malheureusement. Voilà, et c'est ça, je trouve ça absolument vraiment inadmissible parce que, par exemple, je t'ai dit, tu peux y aller, hein. il y a des parties, des plaques, etc. Ouais. Et donc, tous les jours, ce garçon doit se couvrir de bandes. De crème. De crème, ouais. 3 ou 4 fois par jour. Ah oui, quand même, ouais. Hein? Donc, c'est un sacré soin. C'est la Roche Posée qui fait ses crèmes. Ouais. Mais Marc, ne pouvait pas supporter cette crème. Mmh. Et donc, la Roche Posée a rajouté un élément de façon à ce que qu'il ça puisse, soit plus supportable. Ça puisse se faire. Ouais. Ah, ben maintenant, c'est fini. Donc, on n'est pas remboursé. Ah, d'accord. Ah, ouais, non. Parce que c'est considéré comme étant de bienvenue, quoi. Donc, ça n'est pas remboursé. De même, c'est un enfant aussi qui a besoin de cure thermale. Une cure thermale dure en général 3 semaines. Ouais. Il ne peut pas supporter les 3 semaines parce que c'est vraiment très difficile à cause de sa peau, etc. Il fait 4 fois dans l'année. Il va quand même faire de cette cure thermale, c'est une cure, mais hein. De 2 semaines. Ah oui. Et comme c'est 2 semaines, c'est pas remboursé. Ah ouais, donc là, c'est encore ça. Donc là, c'est vraiment très difficile. Mmh. Heureusement, il est entouré, il a une famille extraordinaire. C'est ça, vraiment. Ouais, c'est sa c'est force. Extraordinaire. Et puis, au niveau de l'association d'Ultimark, l'association aussi se défend. Et vraiment, la présidente de l'association est remarquable. Ouais. Remarquable. Elle aussi se défend pour essayer de trouver des moyens de mais c'est pas évident du tout. Hein. Je salue aussi la présidente de l'espoir et des rêves plein la tête pour Raphaël, le petit Raphaël, je sais pas si tu connaissais, ouais. Elle nous écoute en ce moment, voilà, aussi dans le besoin, comme beaucoup malheureusement. Voilà. Donc vous, ça va se passer donc ce samedi, on le rappelle samedi, aux auditeurs. Oui, oui. Donc samedi venez, 9h, voilà. De 9h à 17h. Voilà, pour Marc, justement, pour Marc. L'aider. Comment le Lions Club aujourd'hui, vous arrivez à gérer des situations comme ça? Est-ce que c'est facile? Bien, c'est-à-dire que à partir du moment, enfin, on essaie de voir. Moi, pour cette, par exemple, pour cette association, je cherche quelqu'un, enfin, pour aider justement à aider. À aider. Et donc, j'ai rencontré justement cette personne là qui est maintenant la présidente, et j'ai rencontré la tante de Marc, donc c'est bon, j'ai vu ces deux personnes, on a largement discuté, ouais. Et puis on a décidé, on dit ben voilà, ce que je voulais au début, c'était faire ce que on va faire samedi, c'est-à-dire vendre ces fleurs. Ces fleurs, ouais. Et puis c'est quand même quelque chose d'assez facile. Ouais. Bon, il faut dire aussi que nous avons l'horticulteur qui est de Jargeau et qui nous aide beaucoup. Ils vous les offrent, les fleurs ou alors... Ah non. Non. Ah, c'est dommage. On aurait pu, Ah non. Ouais. Non, non. Ah, il aurait pu les offrir. Non, bon, non. Hey, faut être honnête, on sait que tout le monde est dans le besoin en ce moment. Oui, ouais, oui. C'est assez compliqué. Non, non, ça, est-ce que justement, on parle d'argent, on parle de subventions, est-ce que vous avez besoin de partenaires, vous encore? De partenaires? Non. Pour vous aider financièrement, peut-être. Ah ben oui, parce qu'après, oui, il faut aussi avoir de l'argent, c'est sûr. Alors, on en a des partenaires. Beaucoup de partenaires qui vous aident. J'essaye de. Ouais, pas tout, on va pas tous les nommer, non. Mais c'est pour savoir. Une question, c'est une question. Est-ce que vous avez beaucoup de partenaires aujourd'hui? À peu près. Nous en avons quelques-uns. Ouais. Ah, c'est votre mari qui va en parler. Bah, on va lui donner... Prenez le micro, monsieur, parce qu'il y a le mari aussi qui est là. C'est pour ça qu'il y a tout le monde. Prenez le micro, voilà, celui-là. Et bonjour. Vous allez bien? Merci. Concernant les partenaires, oui, nous en avons quelques-uns, c'est sûr. Ouais. On en recherche toujours de plus en plus. Et nous éditons chaque année une plaquette pour les remercier. Ouais. Où nous exposons également ce qu'est le Lions, ce que nous faisons au niveau de notre club, au niveau du district, puisqu'on est hiérarchisé, si vous voulez. Et donc, plus on a de personnes, plus on sert. Ouais. Et cette plaquette sert comme diffusion pour tout ça. Et c'est ça qui nous permet, évidemment, d'aider après à différentes associations. Ouais. Le Petit Marc, c'est un cas d'espèce. On fait une opération pour le Petit Marc, alors que la marche que nous faisons sur la plaquette va nous servir à X associations. Ah, ok, d'accord. Okay, comme ça, on comprend mieux. Merci de votre intervention, monsieur. on pourrait aussi aider d'autres associations. Je prends le petit Raphaël parce qu'il nous écoute. Pourquoi pas? Oui. Ça pourrait se faire. Aujourd'hui. À voir. Sur le long terme. Pourquoi pas. Voilà. Est-ce que, justement, ce rassemblement de samedi, entre guillemets, parce que vous savez que le préfet a décrété les rassemblements strictement interdits quasiment, est-ce que ça vous fait pas peur? Tant pis. Tant pis. Tant pis. Ouais, vous allez comme ça. Ah oui. Ouais. Parce que j'ai téléphoné à la préfecture. À la mairie. À la mairie, ouais. Et la mairie m'a dit que pour l'instant, ça c'était bon. C'était bon. Surtout à l'air libre. Ouais, c'est ça, ça a l'air libre. Donc on peut faire des petits rassemblements sans se grouper, mais des petits groupes de 5-6. Voilà. Ça, c'est envisageable. Oui. Ouais. Puis c'est en plein air, en fait. Voilà, c'est ça. D'autres projets qui arrivent, là? Il y a Marc, là, c'est samedi. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Eh bien, maintenant, on ne peut pratiquement plus rien faire. Ouais, c'est ça, malheureusement. Parce que nous faisons beaucoup de choses en... Par exemple, on faisait un loto, etc. Donc, c'est interdit. Là, c'est interdit, ouais. C'est interdit. Ouais. Donc, pour l'instant, il va falloir réfléchir un petit peu. Et comme beaucoup, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup réfléchissent à d'autres plans B, entre guillemets, des portes de secours pour pouvoir faire d'autres choses. Et la prochaine chose qu'on doit faire, c'est le 13 mars, ouais. si c'est possible. C'est un concert avec des chanteurs corses en polyphonie. Ouais. Hein, toujours pareil pour une association qui est Enfants et Santé, c'est-à-dire pour les enfants atteints d'un cancer, si vous voulez. Mmh. Donc, ça a lieu le 13 mars à l'église Saint-Marceau. Saint-Marceau, Orléans. Mais ouais. Toujours pareil, avec le contexte actuel, on ne sait pas. Facile. On ne sait pas. Ouais. Justement, un contexte qui bouge beaucoup de secteurs. Surtout quand c'est fermé. Ouais, surtout quand c'est fermé. Alors, hâte que le beau temps revienne, alors. Oui. Là, le problème, c'est qu'on rentre dans l'automne, dans l'hiver. Donc, de plus en plus, moins de terrasses, moins d'exposition à l'extérieur. Et, c'est un peu contraignant. Vous avez fait la météo tout à l'heure. Vous savez pas pour samedi? Ah, samedi, ouais, je vais vous le donner, la météo de samedi. J'ai vu à 8 jours, là. Moi, j'ai tout, hein. Vendredi. Ils annoncent de la pluie vendredi. Alors, samedi, je l'ai pas encore sous les yeux. On annonce jusqu'à vendredi. Alors j'espère que ça va changer, mais vendredi ça va être pas mal de nuages et le soleil ne sera pas là. Samedi, attendez, j'ai la bonne nouvelle, si samedi je l'ai, voilà. Regardez, il y a un bon Dieu, samedi il y aura du soleil et des nuages, 11 à 15 degrés, vous voyez samedi. Ah, là, c'est bien. Voilà, vous voyez, je vous porte bonheur. Super, oh, formidable. Voilà. Et bien, en tout cas, un dernier mot peut-être, Maryse, alors pour conclure, on vous rappelle donc cette date qui est importante si vous êtes de l'autre côté de la radio. Oui. Samedi matin, venez les rejoindre, à l'esprit. Planade du théâtre d'Orléans de 9h à 17h. Venez aider Marc et tout le monde a besoin d'un petit coup de pouce en ce moment. Il faut aider les gens un maximum. Il faut aider Marc à vivre presque normalement. Et donc, pas facile. Voilà. Je vais te laisser le dernier mot, Maryse, de la fin, si tu veux bien. Eh bien, écoute, je te remercie de nous avoir reçus parce que c'est. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, j'y vais. Et puis, effectivement, tout le monde en ce moment est tendu, tout le monde... Ah ouais, on le voit, on le sent, moi le premier. Alors nous, on a une force, le média, on a une force, c'est que nous, on est en studio, vous avez vu, on est séparés par une vitre en plus, hein, oui. Et on a une force de pouvoir parler aux gens à l'extérieur, vous voyez, sans forcément de faire de grands rassemblements, qu'on soit dans la voiture, qu'on soit chez soi dans le bureau, on nous écoute et on peut passer des messages de loin. C'est un peu ce qui est la force de la radio aujourd'hui, et c'est ce qui est bien, et nous, on adore recevoir des gens qui font des belles choses, comme vous aujourd'hui, hein, le Lions Club. Ça me fait plaisir de vous recevoir sur Radio Arc-en-Ciel, en tout cas. On va redonner cet événement. Jennifer, je pense qu'elle y sera parce qu'elle adore le 24 octobre, ce samedi, à 9h au théâtre d'Orléans, devant l'esplanade, vous savez, la grande esplanade là. Venez nombreux et nombreuses, réservés au profit de l'association Le Petit Marc, avec merci le Lions Club à Orléans. On va donner la parole au mari parce que j'ai cherché le micro partout, mais là, un dernier mot, je vous donne le dernier mot de la fin, monsieur. Non, on remercie beaucoup de nous aider comme ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan, comme c'est on dit. C'est une goutte d'eau, mais ça sera toujours. Plusieurs gouttes d'eau, ça remplit une rivière. Voilà. Une rivière, ça remplit l'océan. Alors, Madaris n'a pas parlé des chrysanthèmes elles-mêmes, comment c'est fait. Ah, donc, vous avez trois sortes de chrysanthèmes en pot, selon leur taille, avec des prix différents, évidemment. Bien sûr. Et vous avez également des jardinières. Ah. Multicolores, c'est très joli. Très joli, ça. Ma grand-mère en avait, très j'adore. Joli. Ouais. Et depuis deux ans, nous avons des petites pensées, donc qui sont multiples. Ouais. Le nom, c'est, je sais plus comment c'est, Violetta, etc. Comment? Viola Cornita. Elle connaît tout, Maryse. Attends, il faut pas lui parler de fleurs, Maryse. Attends, attention sur terrain. Hein. Et donc on a mis ça en plus suite à une demande. Et effectivement, ça marche correctement. Et voilà. Merci de. Donc à samedi prochain. Et ben, on vous donne rendez-vous samedi. Moi, je vais essayer de passer plus vers midi parce que je suis un couche-tard. Samedi 24 octobre, 9h-17h sur l'esplanade du théâtre d'Orléans. Le Club sera là. Venez des Marc, l'association Le Petit Marc, et venez acheter des chrysanthèmes, des fleurs, des belles fleurs. Puis c'est beau des fleurs, hein. Ça décore la baraque, ça fait du bien. Merci Maryse. Merci à toi. Merci monsieur. Merci. Alors. Bonne journée sur la. 7h51 minutes. Salut Jennifer qui nous écoute. Salut Youn. Salut Elodie aussi. Il y a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. En mode vacances, heureux d'être là. Hey Phil, sommeil, c'était sympa, hein, les gens du Lyons Club. Hein, ça fait plaisir de recevoir des gens comme ça, humains. Et n'oubliez pas ce rendez-vous samedi 24 octobre 2020 de 9h à 17h sur les plages du théâtre d'Orléans. Venez filer un coup de main. L'association Le Petit Marc.